Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 66. De l'égalité des vertus. Comment les vertus sont plus ou moins grandes? Égalité proportionnelle. Lesquelles l'emportent, des vertus intellectuelles ou des vertus morales? Excellence de la justice, de la sagesse et de la charité. 1. Les vertus peuvent-elles être plus ou moins grandes? Cette question présente deux sens. S'agit-il de vertus d'espèces différentes? Une vertu est plus grande qu'une autre. La prudence, parmi les vertus morales, tient le premier rang, et les autres se placent après elles suivant leur degré de participation à la raison. La justice passe avant la force avant la tempérance. S'agit-il d'une vertu de même espèce? La question revient à celle de l'intensité des habitudes. Chaque vertu peut être plus ou moins grande, non dans sa nature qui s'étend toujours aux mêmes objets, mais dans le sujet où elle se rencontre, soit dans le même homme, à des époques différentes, soit dans divers individus. Pour atteindre le milieu de la vertu, conformément à la droite raison, il est certain que les uns sont mieux disposés que les autres. Cette disposition, ils la doivent tantôt à leurs efforts, tantôt à une meilleure nature, tantôt à des grâces plus abondantes. Note. Les stoïciens étaient dans l'erreur quand ils s'imaginaient qu'on ne devait appeler aucun homme vertueux, à moins qu'il n'eût la disposition la plus parfaite à l'égard de la vertu. Il n'est pas nécessaire à l'essence de la vertu qu'on arrive à ce juste milieu qui consiste dans un point indivisible, il suffit qu'on s'en approche. Il est atteint plus facilement et de plus près par l'un que par l'autre, comme lorsque plusieurs chasseurs dirigent leur coup vers un même but. Fin de la note. 2. Toutes les vertus du même homme sont-elles égales? Envisagées sous le rapport de l'espèce, les vertus sont plus grandes les unes que les autres, la charité est supérieure à la foi. Celles qui existent simultanément dans le même sujet ne peuvent être égales que d'une égalité de proportion. Les vertus infuses le sont de cette façon, semblables aux doigts de la main qui, tout inégaux qu'ils sont, grandissent avec leurs proportions respectives, elles se développent dans l'homme avec une égalité proportionnelle, qui se conçoit dans les mêmes principes que leur connexion et s'explique de la même manière. Les vertus morales infuses, avons-nous dit, sont unis par la prudence et par la charité, mais non par les inclinations du sujet. Cela étant, leur égalité peut se prendre de la prudence, pour ce qu'elles ont de formel. La droite raison, restant, en effet, parfaitement identique dans le même homme, fixe nécessairement, avec des rapports de proportion, le milieu de chaque vertu dans les matières qui en font l'objet. Observons bien, cependant, que, du côté de la partie matérielle, qui est l'inclination que nous trouvons en nous pour en produire les actes, nous sommes, soit par nature, soit par habitude, soit par un don de la grâce, plus portés aux actes de l'une qu'à ceux d'une autre. Note. On nous dira que, selon saint Paul, 1 Corinthiens 7:7, chacun a de Dieu un don propre, l'un ceci, l'autre cela, et qu'il en résulte que toutes les vertus ne sont pas égales dans le même homme. La parole de l'apôtre peut s'entendre des dons de la grâce gratuitement donnés, qui ne sont accordés ni à tous les hommes, ni tous au même homme dans un degré égal. On peut répondre encore que le texte cité suppose une mesure de grâce sanctifiante qui fait abonder l'un dans toutes les vertus plus que l'autre, à raison d'une plus grande prudence, ou même d'une plus grande charité dans laquelle sont unies toutes les vertus infuses. On nous objectera peut-être encore que, si les vertus étaient également intenses dans un seul et même homme, celui qui surpasserait quelqu'un dans l'une le surpasserait pareillement dans toutes les autres, ce qui n'est pas. Les saints sont loués, les uns pour une vertu, les autres pour une autre. Abraham l'est pour sa foi, Moïse, pour sa douceur, Job, pour sa patience. Cela prouve seulement que les uns ont eu plus d'aptitude que les autres pour les actes de certaines vertus. Fin de la note. 3. Les vertus morales l'emportent-elles sur les vertus intellectuelles? La vertu la plus noble, absolument parlant, est celle qui a le plus noble objet. À ce point de vue, les vertus intellectuelles, qui perfectionnent la raison, sont supérieures aux vertus morales, qui perfectionnent la volonté. Mais, sous le rapport des actes, les vertus morales l'emportent sur les vertus intellectuelles, par cela même qu'elles perfectionnent l'appétit, qui meut toutes les autres puissances à l'action. L'idée de vertu leur convient mieux aussi qu'aux vertus intellectuelles, car qui dit vertu, dit à la fois principe d'acte et perfection d'une puissance. Note. Les vertus morales, moins nobles, absolument parlant, que les vertus intellectuelles, sont plus nécessaires pour notre conduite. On peut même dire qu'elles sont plus dignes à certains égards. Un homme est appelé absolument bon, non d'après ses vertus intellectuelles, mais d'après ses vertus morales. Fin de la note. 4. La justice est-elle la principale des vertus morales? Le philosophe dit que la justice est la plus brillante des vertus. Si l'on vient à comparer les vertus morales entre elles, on trouve, en effet, que la justice l'emporte, comme plus rapprochée de la raison, par son sujet, qui est la volonté, appétit raisonnable, et par son objet, qui établit l'homme dans ses vrais rapports, non seulement avec lui-même, mais encore avec les autres êtres. Quant aux autres vertus morales, qui regardent les passions, le bien brille davantage dans chacune d'elles selon que l'appétit est soumis à la raison dans des choses plus élevées. Dans les biens humains, ce qu'il y a de plus grand, c'est la vie, de laquelle tout le reste dépend, c'est pourquoi la force, qui regarde la vie et la mort, tient le premier rang parmi ses vertus. Nous avons raison d'honorer principalement les hommes justes et courageux. Note. La force soumet à la raison le mouvement appétitif, en ce qui concerne le sacrifice le plus grand que l'on puisse exiger de nous. Fin de la note. Vient ensuite la tempérance, qui soumet l'appétit à la raison relativement au bien desquels dépend immédiatement la vie, soit de l'individu, soit de l'espèce, c'est-à-dire, en ce qui est des aliments et des plaisirs charnels. Joignez à ces trois vertus la prudence, vous aurez les quatre principales vertus morales. D'autres, par l'appui ou l'ornement qu'elle prête à ces quatre vertus, peuvent néanmoins être plus grandes que l'une d'elles à quelques égards. Quoique la substance soit, absolument parlant, plus noble que l'accident, il y a des accidents qui, pour la perfectionner dans certains modes accessoires, l'emportent sur elle en dignité. La libéralité l'emporterait sur la justice, si elle n'en supposait pas elle-même un acte consistant à distinguer ce qui nous appartient de ce qui n'est pas à nous. Elle est l'ornement et le supplément de la justice, et cependant elle lui cède le pas, la justice peut exister sans elle, lui sert de base et plus générale. La même remarque est applicable à la patience et à la magnanimité, qui sont une partie et en quelque sorte une parure de la force. Note. Les quatre vertus cardinales seront expliquées plus tard dans l'ordre suivant, la prudence, la justice, La force, la tempérance, section 2. Fin de la note. 5. La sagesse est-elle la principale des vertus intellectuelles? La sagesse, disait le philosophe, est comme la tête des vertus intellectuelles. En effet, la grandeur spécifique des vertus s'appréciant par leur objet, la sagesse surpasse en excellence toutes les autres, car elle considère la cause la plus élevée, qui est Dieu. Comme on juge des effets par les causes, et des causes inférieures par la cause supérieure, elle a le jugement de toutes les vertus intellectuelles. Semblable à un architecte, elle les ordonne et assigne à chacune leur place. Note. La prudence, relative aux choses humaines, est évidemment inférieure à la sagesse, l'homme qu'elle dirige n'est pas le plus grand des êtres. La sagesse lui commande, et elle ne commente pas à la sagesse. L'homme spirituel, écrivait saint Paul, juge toutes choses et n'est jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 15. La prudence, en effet, n'a pas à s'occuper des vérités supérieures. Elle nous conduit à la sagesse comme le ministre conduit auprès du roi. La sagesse s'élève à la source même de la souveraine félicité, au lieu que la prudence concerne simplement les moyens d'y arriver. Les actes de la sagesse sont un certain commencement de la béatitude, si elle pouvait contempler parfaitement son objet, qui est Dieu, la suprême félicité se trouverait en elle, de sorte qu'elle est plus rapprochée de la béatitude que la prudence. L'homme qui lui préférerait les sciences humaines, sous prétexte que les mystères divins sont insaisissables, serait insensé. Il vaut mieux, a très bien dit le philosophe, connaître peu de vérité sur un sujet très relevé, que de connaître à fond des choses frivoles. Aucune connaissance ne l'emporte sur celle de Dieu, si limitée qu'elle soit pour nous en cette vie. Fin de la note. 6. La charité est-elle la principale des vertus théologales? Maintenant, dit saint Paul, la foi, l'espérance et la charité sont nos trois vertus, mais la charité est la plus excellente des trois. 1 Corinthiens 13, 13. Pour rendre cette vérité sensible, nous n'invoquerons pas ce principe, que la grandeur d'une vertu se tire de son objet, les trois vertus théologales ont Dieu pour leur objet, et, sous ce rapport, l'une n'est pas plus grande que l'autre, mais nous dirons que la charité regarde cet objet de plus près, et qu'ainsi elle est la plus grande des vertus théologales. En effet, les deux autres impliquent un certain éloignement de Dieu, la foi se rapporte à des vérités que l'on ne voit pas, et l'espérance à des biens que l'on ne possède pas, au lieu que la charité s'attache à l'objet qu'elle possède déjà. L'objet aimé étant d'une certaine manière dans le sujet qui aime, et le sujet qui aime s'unissant à l'objet aimé. Aussi est-il écrit que celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.